Fais le beat step, face à l'EP sans passer par la mixtape. Grande vitesse, je préfère la musique aux petites fêtes et aux petites fesses. Et même si elles sont des pixels, genre bitch, on veut vendre des CD, donc on vendrait en évitant les disquettes. Just man, check l'instinct animal, cannibal. Quand le provincial graille les mecs de la capitale, just dans tes amygdales, tu dis que c'est pas si mal. Mais face à moi tu risques ta vie, car mes tueries font kiffer les puristes. Et mon écurie est en pole position, je suis en furie, t'es à hurler à chaque proposition. T'as fait mes mots, j'avais, façon le flow, je l'avais. Maintenant je bousille ma gorge à mort comme si je buvais de l'eau de Javel. Hein, et on dit pas, on vit et on fuit, la zombie, t'as compris, l'insomnie nous construit en zombie. Si on fuit, on dit, bah je crois que j'ai du talent. J'ai coupé la parole et t'as perdu talent. On est imbattable, tranquillement on s'installe pas. Mes ennemis me fuient et vos petites me suivent sur mon Instagram. Alors on est yam, on est yam, on est yam, on est yam, on est yam, on est yam, on est yam, on est yam, on est yam. Les gros fait le big step, big step, big step. Les gros fait le big step, big step, big step. Les gros fait le big step, big step, big step. Les gros fait le big step, big step, big step. Et négro on fait le big step, on a rien envié à tous ces hipsters. Y'a pas de place pour le mystère, donc pas de hasard si j'atterris chez ton disquaire. Et je vais le faire, enfin j'espère, si un expert alors laisse faire. Enfin laisse place, je suis dans l'espace et en extase. T'avais jamais entendu autant de belles phases. J'aime les textes que je dépose, c'est que j'ai commencé à zéro. Je veux plus filer à Chili, je rêve de filer à Philly. J'ai la tête dans les épaules mais la tête sur les épaules. Négro, j'suis le meilleur, c'est ce qu'ils pensent tous. Je suis malade et ça fait 6 ans que je pousse comme Alpha et récupère les bactéries quand je tousse. Et on débarque en force dans le rap, donc reste de cool. Je suis à l'aise comme un coq en pâte et tous les négros ont la chair de poule. Je suis le meilleur, c'est ce qu'ils pensent tous. Quand je rappe, tous les rappeurs filent en douce. C'est leur 16 mesures, moi je les file en douce. Hey. Fuck, il est tout un néo. Kissy baby. Tranquillement on s'installe pas. Mes ennemis me fuient et vos petites me suivent sur mon Instagram. Alors on est yam, alors on est yam, on est yam, on est yam, alors on est yam, on est yam, on est yam, on est yam. Et les ronds veulent le big step, big step, big step. Et les ronds veulent le big step, big step, big step. Et les ronds veulent le big step, big step, big step. Et les ronds veulent le big step.